Et maintenant place au grand débat d'idées. Ma cravate est plus belle que la tienne. Moi je sais que tu as la chienne. Tu vas tomber, ça me fait de la peine. Tu vas bafouiller, t'auras pas de veine. Bon, bon, bon, débattons maintenant la question environnementale. Moi, je suis tout ce qu'il y a de plus vain. Ça paraît pas, pis tu pues le morceau. Moi, je recycle les bonnes idées des autres. Moi, je fais ma campagne en musique. Eh bien, passons maintenant à la politique internationale. Moi, je ne suis pas un pion sur l'échiquier mondial. Moi, je dis que les maudits, c'est tout des sommes. On n'a pas le choix, faut suivre les marchés. La mondialisation, c'est un appel à manger. Et maintenant, la question économique. Il faut qu'on sente la dette, la dette. La classe moyenne et ses pouces, mais... Il faut penser à la dette, la dette, la dette. Oh ben, prends ma maudite face-le. Un sort. Un corps. Il sort. Il sort. Ah. La consomme. Alors, mon cher confrère analyste, comment avez-vous trouvé notre grand débat? Beaucoup de contenu. Énormément de contenu. Beaucoup, beaucoup de contenu.